un scandale, Radja. Triste existence, c'est comme ça que je veux que je te dise en 2004, toujours la même masse. Putain, c'est chum en ce moment, je me fais des films comme les mots, même des fois je crois même que je me mens même à moi-même quand je me dis que le risque d'échec dans cette vie est minimum. Mais franchement, ça me gêne car je sais très bien où ça mène. Sur mon pot, sommet de la gloire, mais celui de la galère et cette misère qui nous pousse à l'homicide volontaire. Sur mes pas, le désespoir m'incite à lâcher l'affaire et le faire et de me laisser me faire défaire par l'enfer du bitume sur lequel je mène un train de vie affolé. Car le respect et la thune sont les seules voies pour contrôler. Je suis comme noyé dans le néant, sans moyen, je vous l'avoue. Mes proches me disent, garde la foi, faut sourire à la vie, t'es jeune, mais j'ai rien coquet donc du sourire d'un rire jaune. Tu es âgé un jour, ouais, y'a plus de 23 puisque je jeûne. Alors, comment garder le sourire quand on connaît pas le bonheur et que nos rares moments de plaisir ici s'arrachent de bonheur? C'est pas de l'humour, mais l'être dans la mesure du possible, d'une manière ou d'une autre, je vous assure que c'est impossible. Dites-moi quoi faire, je sais même plus comment kiffer mon vieux. Ici, personne nous envie, mais tout le monde nous en veut. Sans rire, ce monde de fou, mes cœurs ici impossible d'esquisser un sourire. Je mène une triste existence, tire souvent une sale mine et donne toujours à mon âge une impression de sale monde. Durant ces sales moments, qui sont bons dès qu'ils désirent. Plus de courage, plus de volonté, ouais, dans ma tête c'est désert. Sur des airs mélancoliques, je perds même l'envie de m'en sortir. Mais mon moral d'acier me redonne pas la foi de réussir. Car je sais que le prix est cher lorsqu'il s'agit de s'enrichir. Mon cher, c'est à coup d'âme que les chars se déchirent. Ouais, fini l'époque où je m'amusais à mimer les films de Canal Plus quand j'étais môme, pensant que la vie était un film. À mon tour exposé à ce monde de fou. En effet les nerfs, aujourd'hui toujours la même, on progresse sans cesse dans la merde jusqu'au cou. Et cette vie tient nous prend pour les cons dès qu'on essaie de se démerder. Et à chaque fois nous met des coups à son temps. Salmine donne toujours à mon âge une impression de sale monde. Durant ces sales moments qui sont bons dès qu'ils désirent, plus de courage, plus de volonté, ouais, dans ma tête c'est désert. Et ça me prise d'existence, comment dire, rien à faire. À mon avis, on me reproche d'être mauvais comme le contexte de nos vies. Mais voyons, voyez tout de même ce qu'on a fait, nous des voyous. C'est pas ce qu'on voulait, mais c'est lui qui l'avoue. C'est une triste existence, ouais, y'a de quoi avoir. Salmine est toujours donné à notre âge une impression de sale monde. Malgré que l'on persiste à vivre la vie au jour le jour, même si l'on nous pourchasse, on verra la lumière un de ces jours. Triste existence. Dans ce monde si triste.